casa, gang. Squadra, gang. Son Africa. 93. J'sais plus quoi faire, Miami. Les quêteurs sur la tour sont posés comme le Mirador. Y'a que des pirates dans le vaisseau. Tu niques ta mère la pute, tu n'es pas bien vu à bord. Gyrophare, on se fait 7 tours sur Paris. C'est la pénurie, mais c'est plus chaud qu'en safari. J'ai les outils, cette putain est remplie de vis. Elle retourne pas sa veste pour de l'oseille et des affaires. Elle fait la bimbo, elle fait la miss. T'as joué le sucre, donc elle te la mise. Tu fais tes vibes bien, ta cellule est armée. C'est chaud mon ami, oui c'est chaud mon ami. Je suis à deux doigts de braquer une biche. Je me dis nique sa mère si on prend 10 fiches. Je te laisse tous en train de jacter. De toute façon, c'est pas eux qui me donne à manger. En ingénierie, autant de crises. Y'a toujours la moto pour aller braquer la biche. Elle fait la bimbo, elle fait la miss. Elle donne son cul pour aller s'acheter des jeans. Ah ouais, c'est chaud. Wow, wow, wow. Pas te courir après. Tu me dois de l'oseille, mais tu dis toujours après. J'en ai marre d'elle, elle me court après. Elle tapine, vacances, Marrakech. Dans un film, elle snap dans la caisse. Y'a pas un au quartier, c'est la haine. Ici tout ça, chaque amour et la cesse. Pendant qu'ils dorment, nous on fait pas la sieste. Si tu veux manger, touche pas l'assiette. La pure, la stupe, enquête. T'es pas bienvenue à bord, à deux dans la veille t'adore. Ils sont chez toi quand tu dors. Nous deux j'crois qu'on a eu tort. Bolos adore la mort. 22 j'crois qu'il y a les ports. En cas de pénurie ou temps de crise, y'a toujours la moto pour aller braquer la biche. Elle fait la bimbo, elle fait la miss. Elle donne son cul pour aller s'acheter des.